Chapitre 7e. De ce que Valentin avait oublié ce mouchoir, il ne faut pas croire cependant qu'il n'en eut pas un dans sa poche. Pendant que Madame Delaunay pleurait, notre étourdi, qui n'en savait rien, était fort éloigné de pleurer. Il était dans un petit salon boisé, doré, musqué comme une bonbonnière, au fond d'un grand fauteuil de damas violet. Il écoutait, après un bon dîner, l'invitation à la valse de Weber, et tout en prenant d'excellents cafés, il regardait de temps en temps le cou blanc de Madame de Parne. Celle-ci, en tous ses atours et exaltée, comme dit Hoffmann, par une tasse de thé bien sucrée, faisait de son mieux de ses belles mains. Ce n'était pas de la petite musique, et il faut le dire en toute justice qu'elle s'en tirait parfaitement. Je ne sais lequel méritait le plus d'éloges, ou du sentimental maître allemand, ou de l'intelligente musicienne, ou de l'admirable instrument des rares, qui renvoyait en vibration sonore la double inspiration qui l'animait. Le morceau fini, Valentin se leva et tirant de sa poche un mouchoir. « Tenez, dit-il, je vous remercie. Voilà le mouchoir que vous m'avez prêté. » La marquise fit justement ce qu'avait fait Madame Delaunay. Elle remarqua la marque aussitôt. Sa main délicate avait senti un tissu trop rude pour lui appartenir. Elle se connaissait aussi en broderie, mais il n'avait si peu que rien, assez pourtant pour dénoter une femme. Elle retourna deux ou trois fois le mouchoir, l'approcha timidement de son nez, le regarda encore, puis le jeta à Valentin en lui disant « Vous vous êtes trompé. Ce que vous me rendez là appartient à quelque femme de chambre de votre mère. » Valentin, qui avait emporté par mégarde le mouchoir de Madame Delaunay, le reconnut et se sentit battre le cœur. « Pourquoi, une femme de chambre ? » répondit-il. Mais la marquise s'était remise au piano. Peu lui importait une rivale qui se mouchait dans de la grosse toile. Elle reprit le presto de la valse et fit semblant de ne pas avoir entendu. Cette indifférence piqua Valentin. Il fit un tour de chambre et prit son chapeau. « Où allez-vous donc ? » demanda Madame de Parne. « Chez ma mère, rendra sa femme de chambre le mouchoir qu'elle m'a prêté. « Vous verra-t-on demain ? Nous avons un peu de musique et vous me ferez plaisir de venir dîner. « Non, j'ai affaire toute la journée. » Il continua à se promener et ne se décidait pas à sortir. La marquise se leva et vint à lui. « Vous êtes un singulier homme, » lui dit-elle. « Vous voudriez me voir jalouse ? Moi, pas du tout. La jalousie est un sentiment que je déteste. Pourquoi donc vous fâchez-vous de ce que je trouve à ce mouchoir un air d'antichambre ? Est-ce ma faute ou la vôtre ? Je ne m'en fâche point, je le trouve tout simple. » En parlant ainsi, il tournait le dos. Madame de Parne s'avança doucement, se saisit du mouchoir de Madame Delaunay et s'approchant d'une fenêtre ouverte, le jeta dans la rue. « Que faites-vous ? » s'écria Valentin. Il s'élança pour la retenir, mais il était trop tard. « Je veux savoir, dit en riant la marquise, jusqu'à quel point vous y tenez, et je suis curieuse de voir si vous descendrez le chercher. » Valentin hésita un instant et rougit de dépit. Il eût voulu punir la marquise par quelques réponses piquantes, mais comme il arrive souvent, la colère lui ôtait l'esprit. Madame de Parne se mit à rire de plus belle. Il enfonça son chapeau sur sa tête et sortit en disant « Je vais le chercher ». Il chercha en effet longtemps, mais un mouchoir perdu et bientôt ramassé, et ce fut vainement qu'il revint 10 fois d'une borne à une autre. La marquise à sa fenêtre riait toujours en le regardant faire. Fatigué enfin et un peu honteux, il s'éloigna sans lever la tête, feignant de ne pas s'apercevoir qu'on l'eût observé. Au coin de la rue pourtant, il se retourna et vit Madame de Parne qui ne riait plus et qui le suivait des yeux. Il continua sa route sans savoir où il allait et prit machinalement le chemin de la rue du Plat d'Étain. La soirée était belle et le ciel pur. La veuve était aussi à sa fenêtre. Elle avait passé une triste journée. « J'ai besoin d'être rassurée, » lui dit-elle dès qu'il fut entré. « À qui appartient un mouchoir que vous avez laissé chez moi ? Il y a des gens qui savent tromper et qui ne savent pas mentir. » À cette question, Valentin se troubla trop évidemment pour qu'il fût possible de s'y méprendre, et sans attendre qu'il répondit « Écoutez-moi, » dit Madame Delaunay, « vous savez maintenant que je vous aime. Vous connaissez beaucoup de monde, je ne vois personne. Il m'est aussi impossible de savoir ce que vous faites qu'il vous serait facile d'y voir clair dans mes moindres actions, s'il vous en prenait fantaisie. Vous pouvez me tromper aisément et impunément, puisque je ne peux ni vous surveiller ni cesser de vous aimer. Souvenez-vous, je vous en supplie, de ce que je vais vous dire. Tout se sait tôt ou tard, et croyez-moi, c'est une triste chose. » Valentin voulait l'interrompre, elle lui prit la main et continua. « Je ne dis pas assez. Ce n'est pas une triste chose, mais la plus triste qu'il y ait au monde. Si rien n'est plus doux que le souvenir du bonheur, rien n'est plus affreux que de s'apercevoir que le bonheur passé était un mensonge. Avez-vous jamais pensé à ce que ce peut être que de haïr ceux qu'on a aimés? Concevez-vous rien de pire? Réfléchissez à cela, je vous en conjure. Ceux qui trouvent plaisir à tromper les autres en tirent ordinairement vanité. Ils s'imaginent avoir par là quelque supériorité sur leur dupe. Elle est bien fugitive, et à quoi mène-t-elle? Rien n'est si aisé que le mal. Un homme de votre âge peut tromper sa maîtresse seulement pour passer le temps. Mais le temps s'écoule, en effet. La vérité vient, et que reste-t-il? Une pauvre créature abusée, s'est crue aimée, heureuse. Elle a fait de vous son bien unique. Pensez à ce qui lui arrive s'il faut qu'elle ait horreur de vous. » La simplicité de ce langage avait ému Valentin jusqu'au fond du cœur. « Je vous aime, lui dit-il, n'en doutez pas, je n'aime que vous seul. » « J'ai besoin de le croire, répondit la veuve, et si vous dites vrai, nous ne reparlerons jamais de ce que j'ai souffert aujourd'hui. Permettez-moi pourtant d'ajouter encore un mot qu'il faut absolument que je vous dise. J'ai vu mon père, à l'âge de 60 ans, apprendre tout à coup qu'un ami d'enfance l'avait trompé dans une affaire de commerce. Une lettre avait été trouvée, dans laquelle cet ami racontait lui-même sa perfidie et se vantait de la triste habileté qui lui avait rapporté quelques billets de banque à notre détriment. J'ai vu mon père, abîmé de douleur et stupéfait, la tête baissée, lire cette lettre. Il en était aussi honteux que s'il eût été lui-même le coupable. Il essuya une larme sur sa joue, jeta la lettre au feu et s'écria que la vanité et l'intérêt sont peu de choses, mais qu'il est affreux de perdre un ami. « Si vous eussiez été là, Valentin, vous auriez fait serment de ne jamais tromper personne. » Madame Delaunay, en prononçant ces mots, laissa échapper quelques larmes. Valentin était assis près d'elle. Pour toute réponse, il l'attira à lui. Elle posa sa tête sur son épaule, étirant de la poche de son tablier le mouchoir de la marquise. « Il est bien beau, » dit-elle. « La broderie en est fine. Vous me le laisserez, n'est-ce pas ?» La femme à qui il appartient ne s'apercevra pas qu'elle l'a perdu. Quand on a un mouchoir pareil, on en a bien d'autres. Je n'en ai, moi, qu'une douzaine, et ils ne sont pas merveilleux. Vous me rendrez le mien que vous avez emporté, et qui ne vous ferait pas honneur. Mais je garderai celui-ci. À quoi bon ? Répondit Valentin. Vous ne vous en servirez pas. Si, mon ami, il faut que je me console de l'avoir trouvé sur ce fauteuil. Il faut qu'il essuie mes larmes jusqu'à ce qu'elles aient cessé de couler. « Que ce baiser les essuie !» s'écria le jeune homme, et prenant le mouchoir de Madame de Parne, il le jeta par la fenêtre.